Thank you. Oh, ka di. Duché du Luxembourg, Vincent de Paul Kipopo, Hubert Ibangani, Apo Menda, Firenze, le géant garçon de Londres. Richard Kabbala, Alain Prévu, Tania Smith, Nalandre, Mamita Dina, Miss Koulibaly, Fanny Kibina. Magali Bumba, à vous, photo la 5 sur 5.

J'aime bien connaître l'homme fort de créer. Bye. japonais, Dodongolo, Marina Moseka, Philo Akenande, DJ Pichuana, Arsène Mbongo. Fano Zongulubi. Simplice Nzombo, Chevalier Bleu. Maman. la toco, pire petit Patrick Bologna, couleur d'origine. Dada Diagonesse, Alain envoie sécurité. Madata Imangé, Fridolin. serré, serré, serré, serré, serré. Foulanga ma zambé, yo. Mbaninga bake yiko stambela, yo kaka milangwa serré, serré, yo. Mbaninga zambé. Thank you.

makumba papa goda esango ya mama Titou, mère Magina mette Château Rouge, Ben Moukassa. Et Mouchina Wesi Kanabaya yo, ya yo yo. Et Laurent Sampoy Adam, c'est le Bayon de Front. Mouchina Wesi Kanabaya yo, ya yo yo. Olivier Darcy. Mouchina Wesi Kanabaya yo, ya yo yo. Mouchina Wesi Kanabaya yo, ya yo yo. Mouchina Wesi Kanabaya yo, ya yo yo. Mouchina yo yo. Le général Abbas Moussa, Karim Koukaka, Kakou, Myriel Mastengo. Zero. kaka. Un Cédric Afumboulé, Boris motema ro ya koma senga nga motema chagrin d'amour et passion lianga tiki maya matili kolo a zelo soki moto amoni asala nini hein leli makoso papa na gramo lipoko Basura, fan club La Tornade. Allez-vous. premier moine à Congo. Oh. Il est roi chez pas toi dans Po. Oh. Qui va l'autre voilà 95%. Serge Jean Beto. Donc Patrick Abondia. Yvon Si. Cabra Longor, Fader of the Serena. Yablaise Elena. Claudia Lemumba. Boko Aïdara. La jet set, Vivio Matalai, Didier Armel Oleli, Harry Capeng, Jules Cadras, Emery Ngwala, Jeff Boy Océan Bolo, Wevin Moleka, Marie Bamoyen, Mando Okwe, 12 balles, Marine Emilienne Le Kunju, Brigitte Koba, Achille Nderi, École Montesquieu. Claude Naputala le généreux, privilégié Bouka, Mesmen Gonkama, Nina, Feriol Ngasakis Eniki, Jean-Claude Mbouli. PDG Bob de Saïd, Association Force Citoyenne, Cerveau Bleu. Yeah. Eveline Mbwada. De façon que la terre est attirée par le soleil, je suis envers toi, si la maman n'a rougi. Vincent Mobutu. Je suis envers toi, Luka Luka Papa n'a rougi. Mignon Mounoua. L'amour n'est pas toujours ce qu'elle en pense. Hey, allez bon yo bolina, mouche Golombuda. Oui, l'imbosa. Mouche Golombuda, les bouffons mouche Golombuda. Les hommes m'ont pas oublié. Mouche Golombuda. Francis Lomingo, Chris Onanga, Aimé Humberto des Champs-Élysées. Marie Annie. Sam, Albert Lebanda, RMonti, Jobis et Wapis. Marien Itama Kingo Bamitu, Maître Chilem de Kambongila. Sur mon cou, autorité du Bali, Mitya Fila. Jésus, Dr. Dondina, au bois à Tenané, le premier, Jeff Itoua, Général Norbert Dabira. Bravo Sam de Zamboul. Zamparo de guerre. C'est bon ça. Je vais ces gens dire ça. L'eau de ma soupe. Amen. Seigneur. Debout la debout de Sina Londres. Olembi, Ado Muyololo, Papi Benzo Ilanga, Mama, Jesu Rebondo, Chamo Pepe, Chamo Pepe, Posclete, Chamo Pepe, Ono Selimba Mbe, Chamo Pepe, Eh Chamo Pepe, Le Golo Makambo, Chano Lukisa London, Trésor Timbalanga, Homme de Parole, Olembi de Chamo Pepe, Baptiste Nzwiki, Chamo Pepe. Swabi would do a team. Little bonky bonky man. Little bonky bonky dad. Little bonky bonky man. Little bonky bonky dad. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alex et Kumbos et le Machab, l'André et Wenge, le champion au clapoto, Mote Maranga, prochain à la circuit à Bolingo Nayoé, la salle à Nana, l'imoté n'a pas plaisir, papa, touché n'a mal à Menayo Kanzoto. Magali la grande M. Caressenga, cajolenga, tanganga makasina loketo en kanyel busala. Sanga mapatana échelle ya ba plaisir, on aventuré. Chemin d'avenir, je salue son excellence Papa Ojojo, autorité soleil, oh y'a maman autour. Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Les gens t'oublient qu'on kemba Moranzabe, oh y'a maman géant. Gisèle Ingani parfaite, Association Lumière d'Afrique, y'a Paul Malier. Le champion Jeff Kisita, l'homme du Golgotha, Babimbo Mapiem, Natilo Kole, Magali Sissien, Gaï Itoua, Mami Lela, Guy Itoumou, Plaisir de Wa Daniel Sauté, Club, Mombo Beach, un paradis sur terre.